Évasion. Fin du nationalisme tout-puissant. Depuis quelques années, lorsque je discutais de mes projets, je sentais que mes interlocuteurs européens me laissaient en pensant que j'étais un utopiste et qu'ils allaient me calculer plus loin. C'est ainsi que de proche en proche, de propriété en commune, de département en région, de pays en communauté, j'étais arrivé à Ceuta, qui est une enclave espagnole située sur le continent africain. Rares sont les voyageurs qui y séjournent plus d'une journée. Pourtant, les habitants méritent plus d'intérêt. Extraordinairement humaniste, la population a pris fait et cause pour les migrants sans papier. Elle contrebalance les gendarmes, policiers et militaires de Ceuta, qui sont sûrement les pires fascistes d'Europe. Le pire générant le meilleur. L'Europe impose le pire, ou le pire, c'est l'Europe? Ou est-ce que c'est le concept de communautarisme? Je n'avais pas d'argent, mais une chose bien plus importante, le temps, et du temps pour la vie. Une arme redoutable contre la police. Je vais me battre durant un mois dans cette ville pour réussir à passer la douane marocaine. Lors de ma première tentative, le 28 novembre, ils m'interdirent le passage. Ils voulaient m'extorquer un bakchiche par tous les moyens. Mensonges, intimidation, chantage. Sous-entendu que si je ne versais pas dans la corruption, je devais faire demi-tour, prendre le bateau jusqu'à Tarifa, Espagne, puis reprendre un bateau jusqu'à Tanger. Le coût aurait été de 400 euros. Inenvisageable. J'ai passé 30 heures au poste frontière à me faire balader de faux directeur en faux espoir. Mais cela me permit de récolter les premières informations qui me permettront de les franchir, les dépasser, les écraser, les niquer. Un seul de leurs arguments était un peu sensé. Le prétexte était qu'ils ne pouvaient pas inspecter l'intérieur de la cuve, or, à la douane marocaine de Tanger, ils avaient un scanner. Mais qu'aurais-je pu cacher de si dangereux au fond de ma cuve? Les trafics illégaux vont plutôt dans l'autre sens. Faire entrer de la drogue au Maroc depuis l'Espagne ferait rigoler tous les exportateurs du monde. Là, c'était vraiment de l'abus de pouvoir, donc pas question de leur lâcher un centime. Ils avaient réussi à me bloquer. C'était un échec pour ce passage, mais pas un mat. Je retournais à Ceuta, me positionnais sur le parking destiné aux voyageurs en transit. Bien analyser la situation. Sur les 400 places de stationnement de l'avenue Martinez-Catena, se croisaient plusieurs populations, les touristes et les nomades, les trafiquants se préparant au passage de la douane, les voleurs de voitures et les marchands de pièces auto, les propriétaires de véhicules en attente de régularisation et les habitants de Ceuta. Les touristes et les nomades forment deux groupes bien distincts. Les touristes camping-caristes sont très souvent des retraités avec des véhicules à plus de 10 000 euros. Ils étaient en quête de plaisir et d'esclaves bon marché. Ces vieux m'étaient antipathiques, mais je les côtoyais le temps d'une nuit. Sur le parking, ils se regroupaient en tas homogènes, comme une tribu d'Indiens ou comme des étrangers qualifiés de non-intégrés chez eux. On sentait chez eux une peur de l'environnement. Une peur justifiée car ces riches étaient les cibles favorites des opportunistes au patrimoine mille fois inférieur. Effectivement, il y a des voleurs parmi les personnes qui marchent entre le port et la frontière. Les nomades, eux, sont plus jeunes et possèdent tous des véhicules aménagés par leurs soins. La valeur de leur maison est inférieure à 5000 euros. Eux se répartissaient plus harmonieusement sur le parking. Ils étaient en quête d'espace et de liberté. Une partie allait dans des coins reculés du Maroc, dont de nombreux hippies qui allaient dans le sud pour un grand rassemblement, un rainbow, un événement qui va avoir une certaine incidence sur la suite de mon épopée. Les autres étaient en transit vers l'Afrique subsaharienne avec des intentions humanitaires. Sur ce parking, j'avais beaucoup de plaisir à discuter avec eux pendant quelques heures. Les trafiquants, eux, étaient des habitués du parking. Ils arrivaient vers midi et repartaient le soir avec le coffre plein. Il y avait effectivement du trafic de l'Espagne vers le Maroc, mais pas celui auquel on s'attend. Pour preuve, le plus grand supermarché Lidl et sûrement à Ceuta avec 10 caisses enregistreuses et des produits présentés sur leur palette. ces commerçants achetaient chaque jour ici pour revendre au Maroc. C'est des voyages organisés avec femmes et enfants. L'alimentaire est un trafic semi-légal tant que le nombre de produits par personne reste raisonnable. Par exemple, 6 litres de jus d'orange par jour et par personne, c'est vite rentable et le national est con. Parallèlement, deux autres trafics illégaux sont aussi très pratiqués, l'alcool et les vêtements. C'est avec ces passeurs que j'avais le plus de contacts car ils devaient rester sur le parking le temps de planquer leurs marchandises. J'ai tissé des liens d'amitié avec certains d'entre eux car je leur rendais de menus services. Ils étaient au courant de mon conflit avec la douane et on rigolait bien de la façon dont ils les trompaient. Certaines techniques de planque étaient très sophistiquées, bien que la plupart versaient dans la corruption pour avoir un contrôle douanier allégé. Nous avions en commun une haine justifiée de la douane. C'est avec le raccord que j'ai écrit un rapport sur les pratiques douanières marocaines. Ces deux pages auront des conséquences. Mais à ce moment-là, pour eux, le parking était un havre de paix, car ce commerce profitant à l'Espagne, les transporteurs de sirènes, police, militaires, ambulances, passaient sans s'arrêter. Ceuta étant la porte de l'Afrique, elle était aussi pour beaucoup de véhicules la fin de la route. Les voleurs, de voitures ou les criminels en fuite, mettaient le feu à leur engin pour effacer leurs traces. Tous les deux jours, les pompiers devaient éteindre au moins un incendie. Néanmoins, la plupart des personnes, voulant se débarrasser de leur voiture, ne prenaient pas cette peine et l'abandonnaient simplement. Chaque jour, il y avait des voitures délaissées sur le parking. Si elles restaient sans occupant à la nuit tombée, au petit matin, il n'en restait plus que le squelette. Une armée de démonteurs plongeait s'en occuper dans l'obscurité. Ces chouettes garagistes alimentaient des dizaines de magasins de pièces détachées. Il y en a plus que de restaurants. C'est la spécialité ceutaise. Mon instinct de rapace se réveilla quand l'un de ces faucons m'informa qu'il avait vu un fourgon Master Renault Turbo seul au fond d'un ravin. J'ai piqué dessus. Je lui ai arraché des morceaux. Un cardan, sa pompe à injection. Sur ce parking, au pied des falaises, les voyageurs migrateurs ne se posaient que quelques heures. Mais il y avait un petit groupe qui, lui, y reposait plus longtemps. Parmi ces semi-habitants du bitume, les uns avaient un problème avec la douane et les autres attendaient le 20 décembre pour avoir l'autorisation de rouler au Maroc. Cette date étant la remise à zéro des compteurs permettant de circuler 6 mois sans immatriculation marocaine. Nous étions 5 résidents motorisés et nous nous entraidions malgré notre éclectisme. Un soir, nous avons même subi une attaque de voleurs d'échelle. Elle avait été entreposée sur la roulotte d'un globe-trotteur d'origine allemande. Un courageux Espagnol d'origine sahraoui la défendit au péril de sa vie et sous les yeux horrifiés de camping-caristes français, défenseurs de la cause Touareg. Attention, les vols sur ce parking ne sont pas une légende. Personnellement, en un mois, on m'a fracturé 2 fois mes portières. Et c'est grâce aux habitants de Ceuta que j'ai pu prendre en chasse les 2 cambrioleurs. Lors de cette course-poursuite pédestre, j'étais à 5 mètres derrière eux quand ils ont dû lâcher mon ordinateur portable. Il était dans une valise qui ralentissait leur fuite. J'ai choisi la valise plutôt que d'essayer de les rattraper. Ils couraient vite. Au bout d'un mois, je connaissais bien ces fiers autochtones dont les habitations étaient perchées sur les flancs de la montagne. Cette population descendait souvent se promener en bord de mer, donc sur l'esplanade de stationnement. Or, comme mon fourgon était très coloré et avec une éolienne à 5 mètres du sol, ils étaient intrigués et venaient se renseigner. C'est ainsi que je me suis lié d'amitié avec l'un d'entre eux. Il était très intéressé par l'utilisation de l'huile de friture comme carburant. Étant mécanicien, il voulut essayer et donc, après lui avoir fait don de 20 litres, il a pu constater que cela marchait aussi bien, voire mieux qu'avec le gazole. Nous nous enrichîmes de nos savoirs. J'ai pu apprendre que cette population de Ceuta était un trait d'union dans les divisions artificielles. Les continents européens et africains sont séparés physiquement par un filet d'eau mortel que la filiation des vrais habitants déchirait. Hormis les autochtones ancestraux, très peu nombreux sur 80 000 habitants, il y a les originaires d'Espagne, les descendants des anciens militaires recrutés par les Espagnols, et enfin les faux habitants qui sont les parasites armés. les fonctionnaires européens. Il y a 50 ans, alors qu'il était berger, le père de mon ami avait été recruté comme soldat espagnol. À cette époque, il habitait à une trentaine de kilomètres à l'intérieur du Maroc. Lorsqu'ils ont battu en retraite jusqu'à Ceuta, les premières lignes, qui étaient tous comme lui des ex-marocains, ont gardé leur position sur le front, donc au bord de la nouvelle frontière. Ils ont campé, puis se sont installés, ont construit des maisons et ont finalement fondé leur famille sur place et sur leur ancien poste. C'est pourquoi les frontaliers sont tous d'origine africaine, ce qui ne les empêche pas de se mélanger avec les descendants de leurs anciens chefs espagnols qui habitent plus près du port. Mais il n'y a pas de frontière dans la population de Ceuta, ce qui pose un problème aux connards que sont les nationalistes. Qui sont-ils? Marocains, Espagnols, Africains, Européens ou tout à la fois? Humanistes, c'est sûr. La propagande communautaire qui consiste à contrôler la masse du peuple, les cons, par le sentiment d'appartenance, ne fonctionne pas ici. Abat le tribalisme. Au contraire, ces habitants de Ceuta ont une haine commune et justifiée du dernier clan, les fonctionnaires militaires. J'ai plus de respect pour du papier cul que pour du papier d'identité. Ces mercenaires européens sont la merde à torcher et à chasser. Ces nuisibles à la vie ont pour boulot d'abattre comme des animaux les migrants illégaux, les sans-papes. Lors de mon séjour forcé, 5 ont été tués au fusil. Pas de blessés et aucun prisonnier. Alors si un jour c'est moi, Souleymane Khan, qui ai un fusil, ne comptez pas sur ma pitié. Pour illustrer leur inhumanité, voici une des histoires qui est arrivée à mon ami de Ceuta. Il était en train de pêcher avec ses copains quand ils ont vu se rapprocher 2 hommes. Ils tentaient un passage par la mer avec l'aide de chambres à air. Ils étaient à 100 mètres de la plage quand les gardes-côtes espagnols arrivèrent en hors-bord. L'un des 2 migrants abandonna sa bouée et réussit à atteindre la berge. Son camarade, ne voulant pas lâcher son flotteur, fut plus lent et se fit rattraper à 20 mètres du rivage, devant les pêcheurs. Un militaire attrapa la tête rêveuse d'Europe, puis appuya dessus. Il l'a maintenue sous l'eau le temps de noyer son propriétaire. Cela s'est passé devant la population qui s'était rassemblée pour leur lancer des cailloux, mais surtout c'était sous les yeux de son camarade rescapé. Les militaires remontèrent un cadavre et partirent. Voilà entre autres pourquoi les habitants luttent contre ces fonctionnaires. Les communautaristes ne sont pas des gentils, ce sont des cannibales et des charognards qui s'autorisent à tuer pour faire exister les frontières. C'est l'argent de l'Europe, la barrière, le clivage et la mort. Moi qui essayais de quitter ce merdier pour initier une civilisation basée sur le commun global, la continuité et la vie, et ce même si je tentais de passer la barre de la mort dans l'autre sens, non donnée sur place à la ligne de barbelés grillages et ponctuée de miradors, ces hommes armés, à la conscience volatile, me mettaient des bâtons dans les routes. Je comptais les dénicher et les briser à coups de papier. J'ai fait beaucoup de démarches pour avoir une autorisation officielle de traverser le Maroc avec des déchets. Oui, car mes réserves d'huile étaient stockées à l'état d'ordure ménagère, c'est-à-dire qu'elles étaient non décantées, non filtrées, non consommables, donc non commercialisables. Une fois tous les documents obtenus, un fonctionnaire me confirma que je n'en avais pas besoin. Toujours aussi déterminée, je suis retournée 3 fois à la douane marocaine. À chaque fois, ils me sortaient des nouveaux mensonges. Mais leur véritable erreur est le mépris avec lequel ils m'ont traité. Leur inattention va me permettre de récolter beaucoup d'informations sur leur fonctionnement. Par exemple, au début, un de leurs arguments pour ne pas me laisser passer était que la douane de Ceuta n'était pas un passage pour le commerce. Pendant que les douaniers me faisaient attendre des heures, j'en profitais pour noter les immatriculations et les heures de passage des véhicules avec des cargaisons commerciales. Bien sûr, tous ces commerçants franchissaient les barrières à grands coups de bakchich. J'avais même réussi à savoir où se passaient les transactions financières, ainsi que le lieu de stockage des bakchiches en nature, vélo, chocolat. Avec l'aide de mes camarades trafiquants, j'ai pu également déterminer la somme que les douaniers se partageaient par an. Elle était supérieure à 1 million d'euros. Le tout, je l'ai consigné dans un rapport que j'ai envoyé au directeur de la douane, à sa direction régionale, à la direction nationale, à 3 personnes du ministère des Finances et à une fondation pour la promotion de l'écologie créée par le roi du Maroc lui-même. Quelques jours plus tard, un énorme bouchon de 5 km a été créé de la douane jusqu'au port. Le lendemain, un ami ferrailleur et trafiquant d'alcool m'a raconté que l'armée marocaine avait investi la douane et que la veille, tous les douaniers avaient été mis de côté. Pendant toute la journée, ils avaient dû regarder les militaires effectuer un contrôle systématique et total de tous les véhicules. Probable conséquence de mon rapport, mais à ce moment-là, j'avais une autre préoccupation. Je faisais le tour des poubelles de la ville pour récupérer des bouteilles vides. Mon but était de vider la cuve. Pas question d'abandonner mon carburant écologique. J'avais encore 11 000 km à faire et je refusais de tuer au hasard par réchauffement climatique. Après une semaine de travail, j'avais transféré les 900 litres dans 160 bouteilles de 5 à 8 litres. Le 27 décembre au soir, je me présentais à la douane du Maroc avec ma cuve vide et les bouteilles stockées dans la réhausse du fourgon. Il y avait une toute nouvelle équipe en poste, mais elle me sortit des bêtises encore plus grosses. En conclusion de nos discussions, je devais attendre. Quand la relève du matin est arrivée et que son chef, qui lui me connaissait, m'a vue, j'ai senti chez eux un gros stress. Il a discuté avec le chef d'équipe de la nuit, qui est ensuite venu me voir. Il avait perdu toute son arrogance nocturne. Il m'informa que le directeur de la douane allait me recevoir, et il m'a même proposé de m'offrir un café. À 10 h, le directeur me reçoit dans son bureau. Surprise, ce n'était pas celui que l'on m'avait présenté comme le directeur un mois plus tôt. Il m'explique qu'il était en vacances et me demande si c'est moi qui ai envoyé le rapport sur sa douane. Ce que je lui confirme, puis nous discutons de ce qui s'est passé. Finalement, il me dit « Il ne faut pas faire des choses comme ça, le rapport. Mais aujourd'hui, je suis là et on va faire les choses correctement. » Il a fait venir son champion de la fouille de véhicules, travaillant en temps normal dans le sens Maroc vers Espagne. Ce fouineur commence l'inspection du sol au plafond. Donc c'est seulement après 20 minutes qu'il voit les bouteilles sur mon toit. Il appelle son directeur, autrement dit, il aboie pour faire venir son maître. Je leur explique que maintenant le scanner est inutile. Il peut regarder dans la cuve et peut voir par transparence à l'intérieur des bouteilles. J'en sors une centaine, puis il me demande de les verser dans la cuve pendant qu'il prépare les documents du passage. Gagné ! Échec et mat pour la douane. C'est la reine des putes, un chef d'équipe, qui vient me remettre les documents en me disant que certains de ses pions s'étaient fait bouffer. « Tu te souviens de... » Il ne travaille plus ici, lui. Sous-entendu qu'il était toujours là, lui. J'avais 10 jours pour traverser l'échiquier marocain. Chaque jeu se fait sur un cadre délimité et devrait être exclusivement réservé aux enfants en apprentissage. Être un homme, c'est agir en fonction des liens globaux. Un fonctionnaire, douanier ici, est un être immature qui ne perçoit pas qu'il y a une guerre pour la vie. Si vous êtes humaniste et embêté par les nourrissons du capitalisme, comme à la douane de Ceuta, n'hésitez pas à leur faire une salutation majeure de ma part.